Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la visite de Kadhafi en France en décembre 2007 ou les liaisons dangereuses du président Sarkozy avec la Libye. La visite officielle du dictateur libyen est sans doute l'un des épisodes les plus marquants de la présidence de Nicolas Sarkozy. 8 ans après, elle empoisonne encore la vie politique française et celle de l'ancien chef de l'État comme celle de ses collaborateurs proches qui doivent désormais poursuivre leur carrière politique au rythme des convocations chez le juge. La visite de Kadhafi à Paris est une histoire multiple, une partie de billard à 3 bandes au moins, qui débute en 2005 et se conclut en octobre 2011 par la mort du potentat libyen destitué par son peuple avec l'aide de la communauté internationale, dont la France. De cette visite, on se souvient de la tente plantée au milieu d'un jardin de la République à l'hôtel Marigny, des frasques de l'arrogance et des costumes du tyran libyen. Images de l'histoire officielle, des discours et des contrats signés devant les caméras. Mais c'est derrière le rideau que se joue l'essentiel, comme souvent dans les arcanes de la diplomatie secrète, espace où se négocie libération, contrat, rétribution entre hommes d'influence, avec peut-être, au bout du chemin, un financement occulte de campagne électorale. Un jeu dangereux qui transformera la lune de miel en lune de fiel entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi. Pour en parler en deuxième partie d'émission, nous recevrons le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Il est l'auteur du livre « Le sens des affaires ». Notre confrère est à l'origine avec le journaliste Karl Lasquet des révélations sur les soupçons du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachés de production Léa Dupuy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrer, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Joseph Caraballona, Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos, Kevin Pelot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 2007, Orly. Sur le tarmac, on déroule le tapis rouge et on ouvre les parapluies. La République enfile ses habits d'apparat. Vers 15h, sous une pluie fine, un avion atterrit. Un homme, le visage gonflé, le regard distant, vêtu d'une gandoure à marron et d'une toque noire, descend difficilement de la passerelle. La visite du dictateur libyen Muammar Kadhafi commence. Accompagné d'une délégation de plus de 400 personnes, le tyran salue la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, en charge de son accueil. Il y a 29 ans, le 26 novembre 1973, lors de sa dernière visite en France, c'est le premier ministre Pierre Messmer qui avait fait le déplacement. À l'époque, le colonel Kadhafi était un fringant jeune homme en costume, cravate et chemise blanche, cheveux ébénés, regard perçant. Il dirigeait la Libye depuis 4 ans. C'est en 1969 que ce jeune capitaine de 27 ans prend le pouvoir, profitant de l'absence du roi Idriss, en voyage à l'étranger. À l'époque, on peut lire dans les journaux que le Conseil de la Révolution, dont il est le chef, souhaite, je le cite, « l'édification d'un régime démocratique, populaire, moderne, qui mènera le pays au développement économique, social et culturel ». Quelques années plus tard, la démocratie se cantonne au culte du guide sans élection, sans opposition, une dictature avec tous les ingrédients de ce genre de régime. Quant au développement des richesses, oui, il est conséquent grâce aux puits de pétrole, mais il remplit surtout les poches du clan qui entoure Kadhafi. Lors de cette première visite en France en 1973, Kadhafi intrigue, comme le prouve cette interview d'Éric Rouleau, pilier du service étranger du journal Le Monde, invité du journal d'Antenne 2. C'est une personnalité, je dirais, très compliquée. D'une part, il est d'une simplicité extrême, et de l'autre, très mystérieux. Beaucoup ont dit de lui qu'il était, disons, un peu fou. Est-ce que c'est votre impression ? Eh bien, je disais que c'est un homme mystérieux, et je dirais même que c'est un homme très controversé. Effectivement, les gens, certains le considèrent comme illuminé, d'autres, au contraire, comme un visionnaire du monde arabe. Illuminé ou visionnaire, l'histoire a vite penché pour la première hypothèse. En 1977, Kadhafi réorganise l'État et instaure, selon ses dires, une démocratie directe qui laisse place à un guide spirituel au pouvoir absolu lui-même, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même, marqueur classique d'une dictature. Sur le terrain diplomatique, il rêve d'unir les pays arabes et pour y parvenir, fait le choix du terrorisme. On note à son actif l'attentat dans une discothèque à Berlin-Ouest en 1986, l'attentat de Lockerbie en 1988 contre le vol Panam 103 et celui perpétré contre le vol du DC-10 du TA en 1989 au-dessus du désert du Ténéré. Au Niger, 170 morts, dont 54 Français. l'ONU décide d'instaurer un embargo aérien et militaire. Le Connellan tient tête et poursuit son règne sans partage sur ses terres à l'abri des regards. Ce sont les attentats du 11 septembre et les conséquences de l'intervention américaine en Irak qui lui font changer son fusil d'épaule. L'ex-parrain du terrorisme international devient un partenaire des puissances occidentales dans la guerre contre le terrorisme. Kadhafi est désormais de nouveau fréquentable. De Tony Blair à Jacques Chirac, tous font escale quelques heures à Tripoli. Parmi ces visites éclairs, notons celle du 6 octobre 2005, lorsque, ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy vient s'entretenir avec Kadhafi tout à fait officiellement des problématiques de flux migratoires. 2 ans plus tard en France, le ministre est élu président de la République. À la tribune, le soir de sa victoire, il promet une rupture en matière de politique internationale fondée sur les droits de l'homme et loin de la réelle politique. La France sera aux côtés des opprimés. À tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies et par les dictatures, je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. La France sera aux côtés des infirmières libyennes enfermées depuis 8 ans. La France n'abandonnera pas Ingrid Betancourt. La France n'abandonnera pas les femmes qu'on condamne à la burqa. La France n'abandonnera pas les femmes qui n'ont pas la liberté. La France sera du côté des opprimés du monde. C'est le message de la France, c'est l'identité de la France, c'est l'histoire de la France. Depuis 1999, 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien sont accusés injustement d'avoir transmis le virus du sida à plus de 400 enfants. Depuis 8 ans, elles croupissent dans les geôles des prisons libyennes et subissent torture et humiliation. Prince dans l'art de la communication et des rythmes de la politique, le nouveau président français souhaite frapper un grand coup sur la scène internationale. Le 24 juillet 2007, après 2 jours de négociations sous la houlette de la première dame de l'époque, Cécilia, aidée par le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, les infirmières et le médecin palestinien arrivent à Sofia dans l'avion présidentiel français. Après plusieurs mois de négociations menées par les autorités européennes et différents pays, dont l'Allemagne, c'est la France et Nicolas Sarkozy qui récupèrent les lauriers de cette victoire diplomatique. Cette libération offre bien des avantages. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un moyen d'annoncer avec fracas son arrivée sur la scène internationale, mais aussi de réhabiliter le guide libyen, partenaire indispensable pour son projet d'union pour la Méditerranée. Pour Kadhafi, c'est une nouvelle marche vers cette respectabilité qu'il cherche depuis des années. Mais quel est le prix de ce rapprochement, pour l'un comme pour l'autre ? Le 25 juillet, après l'annonce de la libération, Nicolas Sarkozy s'exprime lors d'une conférence de presse. À la question « Y a-t-il eu des compensations ?», il répond. Moi, si vous me posez la question « La France a-t-elle versé 1 euro ?», ma réponse, c'est non. Si vous me posez la question « L'Europe a-t-elle versé 1 euro dans le cadre de cette négociation au-delà du protocole d'accord qui était sur la table et que vous connaissez ?», la réponse, c'est non. Monsieur Barroso le dira. Bon. Et vous dites par là que je ne suis pas un intime de Monsieur Kadhafi, certes. Je ne peux que confirmer cette information, mais je ne suis pas un intime de tous les chefs d'État avec qui je parle. Y a-t-il une dernière question ? Oui, Monsieur le Président. Que faites-vous demain ? Réponse, Nicolas Sarkozy fait escale quelques heures à Tripoli pour saluer Muammar Kadhafi. Et le 7 décembre 2007, on apprend la venue du dictateur libyen à Paris pour une visite officielle qui marquera de façon durable le quinquennat de Nicolas Sarkozy et sa politique étrangère. Alors, de quoi cette visite est-elle le nom ? Déjà, elle commence mal. 3 jours avant d'atterrir en France, Kadhafi fait escale au Portugal. Devant un parterre de professeurs et d'étudiants de l'université de Lisbonne, il déclare qu'il est normal que les faibles aient recours au terrorisme. Le lendemain, lors du sommet de l'Union européenne, Afrique, Nicolas Sarkozy tente de désamorcer la polémique qui enfle. Pour lui, ce sommet est une étape importante pour le projet que la France porte depuis plusieurs mois, l'Union pour la Méditerranée. En octobre, il prononce un discours à Tanger où il invite les dirigeants des pays concernés à un sommet à Paris en juin 2008. Désormais, l'enjeu est de convaincre chaque dirigeant d'y participer. Kadhafi et la Libye sont des associés indispensables pour ce projet. Alors, en attendant, le président français tolère les déclarations de Muammar Kadhafi, il faut le ménager. En revanche, en France, cette visite n'enchante personne. Organisation humanitaire, députés de l'opposition s'inquiètent et fustigent la venue du tyran libyen. Mais l'attaque la plus franche vient des propres rangs du gouvernement. Le 10 décembre, premier jour de la visite de Kadhafi, on peut lire dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France une interview de Ramayad, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, qui déclare « Le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant, terroriste ou non, peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. La France ne doit pas recevoir ce baiser de la mort. » Sur l'antenne de RTL, elle réitère son attaque. Avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Que Kadhafi vienne à Paris, d'accord, mais qu'on lui tienne un discours rigoureux sur la question des droits de l'homme. C'est absolument indispensable, parce que la France n'est pas seulement une balance commerciale. Ce sera sa dernière déclaration sur le sujet. En fin de matinée, Ramayad est convoqué au palais. Après le chef de l'État, c'est le secrétaire général Claude Guéant qui la recadre. Elle ne démissionne pas et rentre dans le rang. Bernard Kouchner soutient sa secrétaire d'État et par un heureux hasard, selon sa formule, rate le dîner en l'honneur du guide prévu le soir même. Ils seront plusieurs d'ailleurs à se faire porter pâle à la dernière minute, comme Jean-Louis Borloo, numéro 2 du gouvernement. À l'Élysée, après le couscous aux légumes, le plat favori de Kadhafi, les caméras et les flashs enregistrent la scène traditionnelle des signatures de contrats. Areva, Suez, Thales, Total, GDF, Dassault, tout le CAC 40 est de sortie. On signe pour 10 milliards d'euros de promesses de vente. Décembre. En fin de matinée, Kadhafi quitte l'hôtel Marigny, la résidence des chefs d'État invités, mise à disposition par l'Élysée. Direction le Palais Bourbon. Pour éviter tout scandale, le chef libyen n'est pas autorisé à s'exprimer devant les députés. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée, organise alors une réception officielle dans ses appartements à l'hôtel de Lassé, où l'attendent une centaine de parlementaires de la majorité et ceux du groupe France-Libye. Sur les bancs de l'Assemblée, l'ambiance est moins chaleureuse. Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, ancien ministre de l'Action humanitaire de François Mitterrand, doit défendre le choix du président qu'il sert désormais, Nicolas Sarkozy. Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée, est le premier à sonner la charge contre son ancien camarade. Mais le comble de cette tartufferie, eh bien il est symbolisé par vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vous séchez toutes les rencontres officielles avec le colonel Kadhafi et en même temps vous justifiez sa visite. Alors, que vous mangiez votre haute forme, c'est votre problème, mais que vous cautionnez tout ce que vous avez naguère combattu, alors oui, ça devient le problème de la France. Il m'est arrivé d'être moi-même touché lorsque c'était M. Jaruzelski qui visitait la France. C'est arrivé. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'étais en effet assez choqué. Alors, il y a une différence. La différence entre ce qui s'est passé s'appelle les infirmières. Et vous verrez dans votre commission que nous n'avons pas accepté qu'ils viennent en France avant que les infirmières soient libérées. Et ça, monsieur Ayrault, ce sont les rois de l'homme. Puisque Bernard Kouchner refuse d'honorer de sa présence le guide libyen, c'est donc un autre ministre de François Mitterrand, celui des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui joue la doublure de circonstances. Ami de longue date du colonel, il fait partie des convives invités à l'hôtel Ritz pour la rencontre culturelle du chef d'État libyen. La salle du palace est remplie d'anciens ministres, déchus d'intellectuels de circonstances et d'universitaires de complaisance. Tous écoutent attentivement la conférence du colonel Kadhafi, qui semble toujours endormi, expose sa vision de l'Europe, de la gauche et de la place de la France dans le monde. Sa journée s'achève à l'UNESCO, où l'attend une assemblée de membres de la communauté africaine. À quelques mètres de là, les pieds dans la boue au bruit de quelques tam-tams, des hommes et des femmes manifestent. Ils seront des centaines à se relayer chaque jour pour alerter l'opinion sur cette visite inopportune de Kadhafi. Au sein de cette petite foule, au micro de Zineb Drieff, de rue 89, François Bayrou fustige la réception du dictateur à Paris. Son haut fait d'armes ces dernières années, ça a été de prendre en otage 6 pauvres infirmières bulgares et un médecin, et de faire que ces infirmières bulgares et ce médecin lui ont valu la rançon la plus importante de tous les temps. Et qu'il y a donc une rançon honteuse, des centaines de millions de dollars qui ont remboursé beaucoup plus que les dommages et intérêts qu'il avait dû payer pour l'avion de l'UTA, plus des contrats d'armes qui vont lui donner une puissance de feu incroyable, plus une centrale nucléaire, plus la respectabilité internationale. Il y a donc là quelque chose qui ne va pas. Je veux dire que c'est désormais le carnet de chèques qui mène le monde. Depuis la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien, leurs conditions de libération et les raisons de celles-ci questionnent. Plusieurs scénarios sont envisagés. On parle d'un chèque du Qatar versé à la Libye pour faciliter le départ des infirmières qui va de 215 millions à 461 millions de dollars. D'autres, comme Marc Pietri, diplomate qui a mené les négociations avec la Libye pour l'Europe, réfutent la contribution financière du Qatar. En fait, tout était en place avec le Fonds international de Benghazi, destiné à fournir un soutien humanitaire aux familles, ce qui était aussi la première étape indispensable pour sortir de la crise des infirmières. Nicolas Sarkozy, lui, garde le cap et réfute toujours toute rançon ou compensation financière. Et puis, pour ce qui concerne les critiques sur le voyage de Kadhafi en France, il les balaie d'un revers de la main lors d'un déplacement à Vendeuvre-les-Nancy. S'il y en a à qui ça plaît pas que je ramène des contrats pour les usines françaises, c'est sans doute parce que ceux-là, ils ne veulent pas d'usines en France. Je veux que la France garde une tradition ouvrière. Je veux que la France garde des usines. Et si moi, président de la République, je ne me bats pas pour récupérer des contrats, des chantiers, des carnets de commandes pour les entreprises françaises, qui va le faire? Les Américains vont le faire pour nous? Non, ils le font pour eux. On ne peut pas me dire, oh ben, il y a un déficit de la balance du commerce extérieur français, c'est pas grave. Si c'est grave, et si certains ne sont pas contents des 10 milliards de contrats signés hier soir, moi je m'adresse à toutes les familles de France qui ont des membres de la famille qui travaillent dans des usines, eux, ils comprennent ce que ça veut dire, du travail pour Alstom, du travail pour EDF, du travail pour Areva, du travail pour les entreprises françaises. Et moi, je suis là pour cela aussi. Bien, mais combien de contrats seront signés au final? Quel sera le bilan diplomatique et politique de cette visite? Won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, nada, didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our Rosalie to roam with the Buffalo. Officielle du dirigeant libyen, 4 mois après la libération des infirmières bulgares. Une visite controversée. Outre les contrats économiques, il en restera une polémique à répétition, mais également quelques images. Une grande limousine blanche, un cortège composé d'une centaine de véhicules officiels. Sa visite dérange jusque dans les rangs du gouvernement. 12 décembre 2007, deuxième jour de la visite de Kadhafi en France. Ce sont les dernières déclarations du Libyen sur France 2 qui font la une. La veille, en effet, sous sa tente bédouine traditionnelle qu'il a plantée au milieu du jardin de l'hôtel Marigny, il s'assoit devant David Pujadas. Les Français découvrent alors un homme absent, le regard flou, le visage bouffi, en un mot grotesque. Sur sa veste, il a accroché une grande carte d'Afrique en plastique. Tout au long de l'interview, il parle de sa visite, de son pays, de son retour sur la scène internationale. À la question « Avez-vous parlé de la question des droits de l'homme avec le président français ?», la réponse est non. Kadhafi explique qu'il n'y a aucun problème de droits de l'homme ou de manque de liberté dans son pays, alors pourquoi en aurait-il parlé avec Sarkozy ? Après les associations, l'opposition des membres de son propre gouvernement, une partie de l'opinion, c'est désormais l'invité lui-même qui réprouve le président. La visite tourne à la farce. Dans les jours qui suivent, Kadhafi ne fait rien pour se fondre dans la masse diplomatique et médiatique. Il agit comme un sale gosse, vulgaire, sans repère, limite Asperger. On dirait qu'il ne connaît pas les codes diplomatiques, à moins qu'il n'en joue, ce qui est plus probable. Sans compter que depuis son arrivée, la vie des Parisiens, déjà extrêmement pénible au quotidien, dès qu'il s'agit de se déplacer, doit subir les sorties de colonels et de ses 40 voitures qui bloquent à chaque fois une partie de la ville. Fantasques et lunatiques, les envies du guide de la révolution libyenne évoluent selon ses humeurs. Le mercredi, par exemple, il va voir Paris à bord d'un bateau bouche. Dont acte. On bloque chaque pont de la Seine au passage du bateau. Le lendemain, c'est le Louvre qui est privatisé en partie pour une visite au pas de course. Coiffé d'une chapka, le guide pose devant la Vénus de Milo, le radeau de la Méduse et la Joconde, dont le sourire sarcastique semble prendre tout son sens ce jour-là. Au même moment, la commission d'enquête parlementaire sur les conditions de libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien détenu en Libye reçoit Claude Guéant, qui était aux côtés de Cécilia Sarkozy, l'ex-femme du président, lors de cette libération. Dans un exposé introductif, Claude Guéant affirme que la France n'a pas négocié ni conclu le moindre contrat pour obtenir la libération des infirmières. Mais un élément nouveau apparaît dans ses déclarations. Il explique en effet que ce sont les autorités libyennes, par l'intermédiaire du chef des services de renseignements extérieurs libyens, Moussa Koussa, qui ont contacté l'Élysée quelques jours après la victoire de Nicolas Sarkozy. Pierre Moscovici l'interroge alors, mais pourquoi contacter la France ? Pour Claude Guéant, la réponse est claire. Tout d'abord, pourquoi est-ce la France qui a été contactée ? J'apporte une précision d'emblée. Je ne dis pas que j'ai été contacté par la Libye, je dis que j'ai été contacté par un responsable libyen. Bon. Pourquoi la France ? Je pense qu'il y a une explication qui vient immédiatement à l'esprit. Le président de la République vient d'être élu. C'est un président qui, relativement jeune encore, beaucoup pensent qu'il jouera un rôle en Europe. C'est par conséquent assez logique pour le colonel Kadhafi, qui, depuis quelques années, je reprends l'expression que vous utilisiez, est sur le chemin de la réhabilitation, de vouloir nouer des liens avec un pays qui compte et avec un homme politique nouveau dont il estime qu'il va jouer un rôle. C'est l'explication que je trouve. En mai 2012, le journal Mediapart publie un article qui relate ses premiers échanges à la fin du mois de 2007 et le dictateur libyen et le président français. En se basant sur une retranscription de la conversation téléphonique réalisée par les autorités libyennes, Fabrice Arfi prouve que dès son élection, Nicolas Sarkozy offre, je cite, « une collaboration quasi inconditionnelle au régime libyen dans les domaines du nucléaire et de l'armement ». De plus, selon cette retranscription, la perspective d'une visite du leader libyen en France est imaginée dès le mois de mai et non pas après la libération des infirmières. Lors de cette audition du 13 décembre 2007, d'autres députés interrogent Claude Guéant sur ses relations avec les autorités libyennes avant cette libération. Le secrétaire général de l'Élysée raconte qu'elle date des années passées auprès de Nicolas Sarkozy lorsque celui-ci était ministre de l'Intérieur. Tout d'abord, monsieur Lamy, il me demandait si lors de contacts précédents au titre d'autres fonctions avec les autorités libyennes, j'évoquais la question des infirmières. Bon, les quelques contacts que j'ai pu avoir avec monsieur Moussa Koussa précédemment cités étaient vraiment très techniques. Ils ont du reste, ça me permet de répondre à monsieur Guillet, étaient assez rares. Enfin, je l'avais vu deux ou trois fois peut-être, pas davantage. En revanche, je voudrais souligner que Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, et pour traiter la double préoccupation des menées terroristes et de l'immigration illégale, s'est rendu à Tripoli, je pense que ça devait être en 2005, et qu'à cette occasion, il a évoqué avec le colonel Kadhafi le sort des infirmières et du médecin palestinien. Au bout d'une heure et demie, l'audition est close. Le secrétaire général passe l'examen sans trébucher. En attendant, Kadhafi poursuit sa virée touristique. Le vendredi, il est à Versailles, où il contemple son reflet dans la galerie des glaces et le trône de Louis XIV, sur lequel probablement il se verrait bien. Puis il part à la chasse dans le domaine de Rambouillet. Chaque jour, télévision et radio racontent le cirque de la délégation du dictateur dans les palais de la République. Le 15 décembre, après 5 jours de présence insupportable, il quitte enfin la France pour l'Espagne. Paris libéré, en quelque sorte. Bien. Mais quel est le bilan de cette visite ? France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Arfi, auteur du livre « Le sens des affaires ». Il est à l'origine, avec le journaliste Karl Larsquet, des révélations sur les soupçons du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Le lendemain du départ de Kadhafi, on lit dans la presse que 10 milliards d'euros de contrats ont été signés. Il ne s'agissait en fait que de promesses. Chez Veolia et Vinci, aucun contrat n'aboutit à des commandes fermes. L'accord intergouvernemental de coopération nucléaire, estimé à 2 milliards d'euros, reste lettre morte. Seuls les 21 Airbus de chez EADS sont achetés. Mais sans cette visite de Kadhafi, la France aurait-elle forcément raté ce contrat ? Sur le plan diplomatique, la facture est lourde pour le chef de l'État. 6 mois après sa visite, le 10 juin 2008, lors d'un mini-sommet arabe, Kadhafi annonce qu'il rejette le projet d'union pour la Méditerranée dont le sommet fondateur doit se tenir quelques jours plus tard à Paris. Il parle d'affront et affirme que les pays de la Méditerranée ne sont ni des affamés ni des chiens. La lune de miel avec Nicolas Sarkozy est désormais consommée. Le 13 juillet, l'acte fondateur de l'union pour la Méditerranée est tout de même signé à Paris, mais sans Kadhafi. Le lendemain, une quarantaine de chefs d'État assistent au défilé militaire français, dont le dictateur syrien Bachar al-Assad. Une autre invitation qui marquera la diplomatie française. Trente mois plus tard, ce sont les peuples de Méditerranée qui prennent leur destin en main, se révoltent. Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, partout. Une soif de liberté bouleverse le bassin méditerranéen. La diplomatie française, elle, hésite, trébuche face à ces peuples révoltés. En pleine révolution, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, offre à Ben Ali, le président tunisien, l'aide sécuritaire de la France. En Libye, Kadhafi réprime dans le sang les manifestations et les émeutes. La guerre civile éclate. En quelques semaines, l'est du pays passe sous le contrôle des forces révolutionnaires. La communauté internationale appelle au départ du tyran libyen. Et le 25 février 2011, en visite officielle en Turquie, Nicolas Sarkozy emboîte le pas. Monsieur Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques, contre le peuple libyen sont inacceptables et feront l'objet d'enquêtes et de sanctions. Neuf jours plus tard, les forces françaises participent aux premières frappes contre les forces pro-Kadhafi qui étaient aux portes de Benghazi. Pendant de longs mois, la guerre civile se poursuit. Le 23 août, les rebelles prennent le QG de Kadhafi à Tripoli qui doit quitter la ville. Nicolas Sarkozy assiste le 13 septembre dans la capitale libyenne au discours du président du Conseil national de transition, Mustafa Abdeljalil. Un mois plus tard, les télévisions du monde entier diffusent les images où l'on voit l'ancien dictateur Kadhafi, le visage ensanglanté, à l'arrière d'une jeep, une fin pitoyable. Cette capture du chef libyen a fait couler beaucoup d'encre depuis. Dans un article du Canard enchaîné, le journaliste Claude Angeli révèle que 50 agents français des forces spéciales étaient spécifiquement détachés pour la traque du tyran. Selon les révélations du journaliste, ils étaient présents à Sirte lors de sa capture. À Misrata, un chapitre de la diplomatie française se referme, enfin presque. Le 16 mars 2011, en pleine guerre, le fils de Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi, accorde un entretien à la chaîne Euronews. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. Nous avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que nous demandons à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Sur le moment, l'information passe presque inaperçue. Mais un an plus tard, elle ressurgit, en pleine campagne électorale de 2012, entre les deux tours. Le 28 avril 2012, très précisément, Mediapart fait la une avec un article intitulé « Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement ». Il est signé Fabrice Arfi, notre invité, et son confrère Karl Lasquet. Les deux journalistes publient une pièce officielle du régime libyen qui fait état du déblocage d'une somme de 50 millions d'euros pour le candidat Nicolas Sarkozy en 2007. Ce document est signé par Moussa Koussa, le chef des renseignements extérieurs, que Claude Guéant a cité lors de la commission d'enquête parlementaire sur la libération des infirmières bulgares, comme l'homme qui l'avait contacté pour l'informer de l'intention de Kadhafi de négocier le départ des infirmières et du médecin. Dans cet article, et dans ceux qui suivront, on découvre la diplomatie secrète de Nicolas Sarkozy en Libye dès 2005, avec l'aide de l'homme d'affaires et intermédiaire en armement, Ziad Takieddine. Après cette publication, le 30 avril 2012, Nicolas Sarkozy, qualifié pour le second tour, récuse ses informations et annonce qu'il porte plainte contre le journal. Mediapart est une officine, Monsieur Plenel, c'est le bidonnage. À chaque fois, ce document est un faux, grossier, tout simplement parce que les deux personnes en Libye qui étaient censées avoir envoyé ce document et le recevoir l'ont démenti. Tout le monde le sait. Alors Mediapart dit qu'ils ne sont pas crédibles. Pardon, ce qui n'est pas crédible, c'est Mediapart. Vous croyez vraiment qu'avec ce que j'ai fait, M. Kadhafi m'a fait un virement? Pourquoi pas un chèque endossé? C'est grotesque. La campagne électorale ne justifie pas tout. Ne perdons pas une minute. Il y aura une dérive de la presse, selon vous? Ne perdons pas une minute. D'ailleurs, nous déposerons plainte contre Mediapart. Je ne dis pas non. Il ne faut pas assimiler la presse à des comportements... Vous allez porter plainte? Oui, bien sûr. On ne va pas assimiler la presse à des comportements comme ça. Hein, ça c'est... Mais il y a une partie de la presse, une partie des médias, et notamment le site en question, dont je me refuse même à citer le nom, qui sont prêts à bidonner des documents pour ça. Et honte à tous ceux qui l'ont exploité. Cette plainte, elle sera déposée quand? Avant la fin de la campagne, après? Avant la fin. Vous savez, il faut... Dans la vie, tout ne se vaut pas. Il y a une morale. Ceux qui mentent, ceux qui font défaut doivent être condamnés par la justice. Depuis, l'enquête suit son cours. En février 2013, dans le cadre de la plainte déposée par Nicolas Sarkozy, le juge Van Ruymbeek perquisitionne l'appartement de Claude Guéant. En mars 2015, celui-ci est mis en examen pour faux et blanchiment dans le cadre d'une enquête sur le soupçon de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. La justice s'intéresse notamment à une somme de 500 000 euros. Une tente, une entente, puis une mésentente. Les relations récentes entre la France et la Libye n'ont probablement pas tout révélé. Elles constituent aujourd'hui, pour la sphère politique et judiciaire, une affaire très sensible. Bonjour Fabrice Sarfi. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, il y a tellement de choses à dire. Il y a au moins deux volets. Hein. Il y a le volet avant et après 2007. Plutôt avant et après les soupçons de financement de campagne. Un premier volet, les relations entre Nicolas Sarkozy, président de la France, et la Libye, et donc son chef Kadhafi, l'infréquentable, mais qu'on fréquente quand ça arrange, en gros. Hein. Et puis, il y a cette histoire de libération des infirmières. Alors, est-ce que la visite en France, première question, de Kadhafi est liée directement à cette histoire de libération des infirmières bulgares? Non, pas du tout, parce que comme vous l'avez dit vous-même dans le formidable récit que vous avez fait des relations, des vraies relations franco-libyennes, en réalité, la visite de Muammar Kadhafi, la visite folklorique, ubuesque, tout ce qu'on veut, tragicomique, en France, en décembre, avait déjà été évoqué, proposé, décidé dès le mois de mai 2007 quand Nicolas Sarkozy a accédé à la magistrature suprême en France, puisqu'il y a cette conversation officielle qu'ils ont donc avec des diplomates autour d'eux, des responsables qui retranscrivent la discussion téléphonique. C'est ce que nous avons publié, comme vous l'avez dit, dans Mediapart en mai 2012. Et c'est d'ailleurs le journaliste Antoine Victine qui a fait un superbe documentaire sur le président et le dictateur qui a été diffusé sur France 3 la semaine dernière. Antoine Victine a même réussi à avoir le contenu de la conversation. Il a diffusé la bande et qui confirme intégralement ce que nous avions écrit. Et là, il est déjà question de la visite en France de M. Kadhafi. Donc elle décide quand alors? Elle est décidée dans cette période-là. Ça fait déjà partie. Pour moi, cette visite qui est unique au monde, aucun pays n'a offert à Muammar Kadhafi ce que la France, qui est un pays avec lequel il a une relation très particulière. Muammar Kadhafi connaissait sur le bout des doigts la Révolution française. Il se voyait comme... il a fait comme les révolutionnaires son calendrier. Hein. Le calendrier libyen n'est pas le même que le calendrier de tout le monde arabe, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, notamment sur la datation des documents. Et ce que la France lui offre, pour lui, c'est une forme de remboursement symbolique de ce qui s'est passé et des compromissions à la fois financières, diplomatiques, commerciales, politiques, et ce qui fait de cette affaire libyenne, bien au-delà de la question judiciaire, une affaire totale qui va des compromissions d'un prétendant à l'Élysée jusqu'à la guerre. Le problème qui est posé par toutes ces affaires est un problème d'abord moral. Oui, c'est un problème éthique, c'est un problème moral, c'est un problème de citoyenneté, et que ce ne sont pas des paroles comme ça qui sont documentées. Je vous donne un exemple. Vous avez cité, vous avez même diffusé la déclaration de Nicolas Sarkozy quand il devient président de la République sur « Avec moi, pas de réel politique, la France c'est le pays des droits de l'homme, nous aiderons tout le monde ». Il avait déjà entonné ce refrain-là quelques semaines plus tôt, quand il s'était officiellement déclaré à la présidentielle, c'était en janvier 2007, exactement les mêmes éléments de langage. Au moment où il dit ça, écoutez-moi bien, au moment où il dit ça, lui et son cabinet, M. Guéant, M. Hortefeux, avec Ziad Takieddine, main dans la main avec Ziad Takieddine, négocient avec la Libye de Muammar Kadhafi et une grande entreprise française qui s'appelle Amesis, la vente de matériel d'espionnage pour traquer les opposants libyens. Dans un régime autoritaire, la vente de matériel d'espionnage, l'espionnage, c'est l'étape numéro un avant la répression, avant la torture et pour certains la mort. Et c'est pas pour, contrairement à ce qui a été dit, traquer je ne sais quel pédophile ou terroriste. C'était pour cela, et cela a été documenté. Donc vous voyez le double langage permanent qu'il y a dans cette histoire. Autre documentation de ce que vous appelez le problème moral, éthique, chacun met le mot qu'il veut derrière cela. Cette fameuse retranscription de la conversation téléphonique, la première entre Nicolas Sarkozy, élu président de la République, et Muammar Kadhafi, le colonel Kadhafi, qui n'était d'ailleurs pas colonel, hein, s'il s'était donné ce grade tout seul. La fin de la conversation est stupéfiante. Nicolas Sarkozy lui dit « Nous prions pas le même Dieu, mon cher guide, mais je prie avec vous. » Vous vous rendez compte, alors moi il se trouve que j'ai pas de foi religieuse, mais bon, vous vous rendez compte ce que ça veut dire la prière? On sait qui est Kadhafi, on sait que c'est un terroriste, on sait qu'il a commandité des attentats qui ont tué des centaines de personnes, et notamment des Français, le DC-10 UTA. Qui irait prier qui irait confier cette intimité de la prière avec cette personne? Vous vous rendez compte, vous irez prier avec les Kouachi ou les Koulibaly s'ils étaient vivants? En plus, venant de la part d'un chef d'État laïque, je le rappelle. Hein, oui, par ailleurs, laïcité positive, le concept qu'il avait développé. Deux exemples très précis, concrets, documentés, que personne ne démente. Je mets au défi quiconque de démentir cela. Et il y en a d'autres, je peux les donner. Un exemple, le DC-10 UTA, cet attentat au-dessus du désert du Ténéré. 170 morts, vous l'avez dit, dont 54 Français. La cour d'assises de Paris a condamné un homme à réclusion criminelle à perpétuité et a émis un mandat d'arrêt, puisqu'il était, c'était par contumace, en son absence, comme étant le principal organisateur de l'attentat. Il s'appelle Abdallah Senoussi, beau-frère de Muammar Kadhafi. Il était le chef des services secrets intérieurs libyens, toujours en activité jusqu'à la chute du régime de Tripoli. Cet homme est recherché par la France. Hein, pendant que Nicolas Sarkozy se rapproche, dans cette période 2005-2007 de la Libye de Kadhafi, son avocat personnel Thierry Herzog, celui qui est mis en examen pour corruption avec Nicolas Sarkozy dans l'affaire Paul Bismuth avec quatre guillemets, devient l'avocat d'Abdallah Sinoussi. Nous avons publié le mandat. Il devient l'avocat d'Abdallah Sinoussi. Pourquoi? Pour faire tomber le mandat d'arrêt émis contre Abdallah Sinoussi. Une fois que Nicolas Sarkozy est élu à l'Élysée, il y a des négociations à l'Élysée. On discute avec des magistrats, avec des grands avocats pour voir comment on peut faire tomber, vous rendez compte, dans un état de droit, le mandat d'arrêt contre celui qui est considéré par la justice de France et qui est recherché comme étant l'organisateur d'un attentat qui a tué 54 de nos concitoyens. Le 22 décembre 2005, il est ministre des collectivités locales, les collectivités locales de France. Brice Hortefeux se rend à Tripoli, en Libye. Bon, l'ambassadeur de l'époque a dit devant les juges sur procès-verbal, il s'appelle Jean-Luc Sibud, que cette visite n'avait aucun sens. Aucun sens. Qui rencontre-t-il ce 22 décembre 2005 au soir? Monsieur Senoussi, monsieur Abdallah Senoussi, condamné par contumace, pour réclusion criminelle à perpétuité, et Ziad Takieddine. Bon, vous voyez, il y a une histoire officielle, et puis il y a une vraie histoire des relations franco-libyennes. Et c'est celle-là qui est dramatique, pas seulement pour Nicolas Sarkozy et ses amis, pour le pays. Ce que ça nous dit de la France et de la République, cette histoire est terrible. Et alors, pourquoi vient-il en France pendant ces 5 jours? Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que la France a gagné au-delà de ce projet d'union de la Méditerranée? Il faut absolument que Kadhafi en fasse partie. Enfin bon, ça paraît pas probant. Je pense que la France n'a rien à gagner, mais la France est à genoux devant Muammar Kadhafi. Je pense, pour dire les choses plus directement, que à ce moment-là, Muammar Kadhafi possède Nicolas Sarkozy. Donc, possède, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de ça dans sa folie. Il le possède. Moi, personne ne me fera croire, personne, qu'on a découvert en 2011 que M. Kadhafi était un dictateur fou. C'est clair. Bon, donc ça a été les arguments pour faire la guerre. Hein. Bon, il n'a pas changé, Muammar Kadhafi. Bon, il a toujours été ce qu'il a été. Vous l'avez rappelé avec ses déclarations, les pauvres ont droit au terrorisme, etc. Ça a toujours été comme ça. Il possède et la France lui offre ce pourquoi il était prêt à payer. Parce qu'on est avec des sommes qui sont énormes. On parle ici de 50 millions, là de 300 millions. Ça paraît, pour nos esprits, petit par rapport à ces sommes d'argent. C'est une abstraction pour nous. Ça relève de l'abstraction. Il faut bien comprendre que c'est une goutte d'eau dans l'océan des avoirs du clan Kadhafi qui se mélange, une espèce de fongibilité immédiate avec l'argent du pays, hein, les fonds souverains, grâce aux revenus pétroliers. C'est rien. Et ce qu'on lui a offert pour lui, c'est énorme, cette reconnaissance internationale. Bien sûr. Alors, on arrive à l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Toujours présumé d'un délit. En avril 2012, dont vous publiez ce fameux document signé de la main de Moussa Koussa, l'ancien chef des services de renseignement extérieur de la Libye, qui fait état d'une contribution à hauteur de 50 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce dernier qualifie ce document de faux et porte plainte, on l'a vu, contre Mediapart, qui ne veut même pas citer d'ailleurs. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de complément d'enquête, justement, de 2013. Moftah Missouri, on retrouve l'interprète personnel de Kadhafi, parle de ce document. On va l'écouter ensemble, on en parlera ensuite après. C'est un vrai document? C'est un vrai document, oui. À quoi vous le voyez? Il y a d'abord la signature, il y a aussi celui qui a tapé, celui qui a initié la lettre. même Kadhafi m'a dit à moi verbalement que la Libye avait versé une vingtaine de millions de dollars. Normalement, chez nous, à la présidence, quand on donne de l'argent à quelqu'un, il n'y a pas un transfert bancaire. Il n'y a pas de chèque. C'est de l'argent liquide, dans des mallettes. Fabrice Arqui, qu'est-ce qu'on peut dire de, quand on entend ça? On se dit, ben oui, forcément. Sauf que nous, on peut pas le dire, hein, c'est normal. Bien sûr. On n'est pas jugé, on peut pas le dire. Voilà. Non, mais moi, j'ai pas aucun problème avec la présomption d'innocence. Encore une fois, on est présumé innocent d'un délit. Et c'est un concept judiciaire. Ça nous empêche pas d'en parler journalistiquement. Les premiers articles de Mediapart, hein, sur ce que nous avons appelé le grand soupçon libyen datent de juillet 2011. Hein, juillet 2011. Mmh. Et c'est vrai que c'est en avril 2012 que nous publions ce document. Nicolas Sarkozy a déposé plainte contre nous. Alors, normalement, contre la presse, on dépose plainte pour diffamation. Hein, vous savez, il y a une loi générale sur la presse, la loi de 1881. Il a fait ce que beaucoup de personnes, malheureusement, font, c'est-à-dire qu'il contourne le droit, il ne nous attaque pas ce pourquoi nous devons répondre devant les tribunaux de nos écrits, parce que, bien entendu, nous ne sommes pas au-dessus des lois et nous avons à être jugés si des gens estiment que nous les avons diffamés. Porte plainte pour faux et usage de faux, qui est une façon, en quelque sorte, de criminaliser le journalisme et qui a, de mon point de vue, qu'un seul objectif, un seul, c'est de trouver notre source. Eh oui, qui a donné ce document à Mediapart? L'enquête a été ouverte en 2012, hein, donc nous sommes bientôt 3 ans après l'ouverture de l'enquête. Il n'y a à ce stade que des confortations, si ce n'est des confirmations de l'authenticité du document. Je ne peux pas dire autre chose, nous l'avons raconté dans le journal. Il y a notamment eu un rapport de gendarmerie de juillet dernier qui a entendu des diplomates, des agents secrets, des personnes d'ambassade, qui tous, alors ne le confirment pas l'authenticité, mais la confortent en disant que tout correspond à ce qu'ils ont toujours vu, notamment les numéros d'enregistrement, la police du texte, la façon d'écrire... absolument tout. Et puis il y a eu l'audition du fameux Moussa Koussa dont vous avez parlé, qui a été ministre et surtout chef des services secrets extérieurs, une espèce de DGSE. Et puis qui dit les choses ouvertement, hein, on vient d'entendre. Là c'est Moftah Missouri qui parle, c'est le traducteur, hein, ça a été l'oreille et la bouche de Kadhafi et de Sarkozy. Le document a été signé. Signé de Moussa Koussa. Il est aujourd'hui réfugié au Qatar. Hein. Moussa Koussa, dont Claude Guéant parle comme d'un homme respectable, la BBC, dans sa formidable émission Panorama, a raconté hein, qu'il était soupçonné de torture, M. Moussa Koussa. Tout cela a été documenté aussi par la BBC. Il est aujourd'hui réfugié au Qatar, qui était l'un des principaux belligérants, on va dire, et de l'offensive contre Muammar Kadhafi. Il a été entendu par des juges là-bas, au Qatar. Son audition est surréaliste. Le procès verbal est surréaliste. Moussa Koussa dit que le contenu et l'origine du document sont vrais. Entendez, il dit que le contenu et l'origine du document sont vrais, mais que c'est pas sa signature. Donc ça peut pas être un vrai document parce que c'est pas sa signature à lui, qu'il a jamais signé ce document. Et il dit ça en lisant un petit papier. Les juges lui disent, mais pourquoi vous lisez un papier? Pourquoi vous avez besoin de lire un papier pour nous répondre ça? Il dit, mais non, mais c'est un pense-bête. Premièrement, c'est pas moi qui ai signé. Deuxièmement, c'est donc un faux document. Et il dit, ne m'introduisez pas. C'est comme ça que ça a été traduit. Ne m'introduisez pas dans cette affaire. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Les juges, ils font leur travail. Ils demandent de vérifier si c'est sa signature ou pas. Non. Il se trouve que, comme il y a eu plein de titres de séjour de Moussa Koussa, qu'il a signé notamment son procès verbal, qu'on a beaucoup de signatures de lui, il y a une expertise qui est diligentée. 3 experts, 4 même, sont missionnés. L'enquête dure 1 mois, d'abord séparément, puis tous ensemble, sans la moindre réserve. Sans la moindre réserve, ils disent que la signature est celle de Moussa Koussa. Donc quand Moussa Koussa nous dit ce document est faux parce que c'est pas ma signature, voilà, aujourd'hui la question est lourdement posée. Et pour la petite anecdote, la signature qui a été la plus confondante pour lui, c'est la signature qu'il a apposée au bas du procès-verbal pour dire que ça n'était pas lui qui avait signé. C'est quand même surprenant. Alors, est-ce que c'est pas un message qu'il envoie, par exemple, parce que Moussa Koussa est loin d'être bête. Voilà. Mais ce document qui fait couler beaucoup d'encre est une petite partie d'un grand tout trous d'une enquête qui a duré pour nous et qui continue, que nous avons commencé au printemps 2011 et qui aujourd'hui, la vraie grosse affaire, c'est l'affaire pour corruption du juge Tournaire qui a été ouverte sur le fond des faits et qui vaut à monsieur Guéant d'être mis en examen depuis quelques semaines. Alors on nous dit mais il est pas mis en examen pour la Libye, il est mis en examen pour l'affaire des tableaux flamands. Mais il n'y a pas d'affaire des tableaux. Ça n'existe pas, cette affaire. La vente des tableaux, c'est une légende, c'est une construction qui a été faite. D'ailleurs, les juges parlent eux-mêmes de vente fictive pour masquer, pour tenter de justifier maladroitement l'arrivée de 500 000 euros sur le compte de M. Guéant. Alors, des affaires jugées qui concernent un président de la République, un ancien président de la République, ont été jugées, instruites après son départ de l'Élysée. On sait que c'est difficile d'aboutir, il y a comme une espèce de cordon sanitaire institutionnel, hein, comme ça, autour d'un président, pendant son mandat, et même après son mandat. Comme si le système faisait en sorte qu'un président reste intouchable, après qu'il a été président. Est-ce que vous avez ce souci-là? J'ai totalement ce souci-là. J'ai l'impression que, de ce point de vue-là, les institutions de la Ve République ne protègent pas le citoyen quand il veut savoir, les juges font partie des citoyens, mais protègent ceux qui ont été les acteurs direct de cette Ve République. Et c'est vrai, on l'a vu avec toutes les affaires Chirac qui sont tombées les unes après les autres et qui ont abouti, certes, à une condamnation de M. Chirac, mais sur l'une des plus petites affaires par rapport aux 10 qui le cernaient. Nicolas Sarkozy, bon, il se trouve que, bon, là, il y a quand même une justice qui se muscle un peu anticorruption, donc il y a beaucoup d'affaires. On a fait le compte hein, à Mediapart, 25 proches de Nicolas Sarkozy. 25 ministres, avocats, conseillers sont mis en examen. Avocats, magistrats, conseillers, ministres, policiers, tout ce que vous voulez. 25, vous entendez? 25. Ah, je vous entends bien, Nicolas Sarkozy, lui, bon, il est mis en examen dans l'affaire Paul Bismuth pour corruption et trafic d'influence. On va voir si la justice va valider les écoutes qui lui valent cette mise en examen. Il est cerné de très près par l'affaire Big Malion, puisque son directeur de cabinet, directeur de campagne, le préfet Lambert, est mis en examen. Donc peut-être que le prochain, c'est lui, je ne sais pas, et le pronostic judiciaire est une science par définition inexacte. Et il y a cette affaire libyenne. Alors, est-ce que judiciairement, on va pouvoir concrétiser cette affaire libyenne? C'est la question que tout le monde se pose. C'est impossible à dire. Pour dire les choses là, c'est impossible à dire. On a déjà un début de concrétisation avec la mise en examen de Monsieur Guéant. Il y a d'autres personnes qui sont un peu dans le viseur. Rappelez-vous que le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, l'ancien ambassadeur Boris Boyon, qui a appelé Mouammar Kadhafi papa, a été surpris, gare du Nord, en octobre 2013, avec 400 000 euros en espèces dans un sac de sport qu'il allait emmener en Belgique sur lui sans papier d'identité. Il a dit que ça venait de ses contrats de consultant avec l'Irak. On sait que c'est faux aujourd'hui. Bon, on peut se demander, avec un gros point d'interrogation, d'où venait cet argent. Le problème de l'affaire libyenne, c'est qu'on est face à une affaire internationale et qu'une guerre est venue détruire littéralement un pays. Il n'y a plus de Libye aujourd'hui. Et d'interlocuteurs, donc. Donc d'interlocuteurs, donc de coopération judiciaire, donc d'accès aux archives. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'ambassade en France. Donc on ne peut même pas faire de commission rogatoire internationale, comme on dit dans le langage judiciaire, pour aller enquêter là-bas. Et puis, on n'est pas sur un virement de compte à compte. On est sur des virements en pointillés, où on met des coupes-circuits. Il y a beaucoup d'espèces. Il n'y a pas un jet de corruption. Il y en a plusieurs. Il y a deux périodes. Une période 2005-2007, où l'homme qui est actif dans ces relations occultes, c'est l'homme d'affaires Ziad Takieddine. Et puis, il y a post-2007, où celui qui est actif n'est plus Ziad Takieddine, mais son pire ennemi, parce que dans ce monde, on se nourrit également de ses antagonismes, et qui s'appelle Monsieur Djouri, Alexandre Djouri, qui a été perquisitionné pendant 3 jours dernièrement en Suisse. Donc, on est dans une affaire à la fois complexe, totale, et c'est un écheveau qu'il est très très long judiciairement et policièrement de démêler. Et puis il y a aussi le décalage des tempos de la justice et du tempo politique. Là, il reste 2 ans avant la présidentielle, donc la justice peut effectivement faire son travail, et pourquoi pas bien le faire, mais avec un temps qui peut être plus long que celui de la présidentielle. Non, c'est pour répondre, donner des éléments de réponse à la question que se posent beaucoup de Français. Hein. Oui, Nicolas Sarkozy tentait de revenir. Maintenant, ça paraît clair. judiciaire. Et puis il y a comme ça ce contexte judiciaire. Et oui, vous savez, Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit en début de l'émission, c'est un très bon communicant. Et le problème, c'est qu'il a, souvent l'inconscient au bord des lèvres, Nicolas Sarkozy. Et quand, avant de prendre l'UMP, il a fait un meeting à Vélizy. Mmh. Et il est passé aux aveux, si je peux me permettre l'expression, parce qu'en parlant des affaires judiciaires, il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, vous pourrez vérifier, « Si l'on voulait que je reste tranquille dans mon coin, il ne fallait pas agir comme ça. » Ben, ça veut dire qu'il revient à cause des affaires. Il revient pour se protéger des affaires, politiquement. Et d'ailleurs, ça fonctionne dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, puisque la justice fait son travail, avec la lenteur de la justice qui est un problème, son manque de moyens, qui est un problème. Et à chaque fois qu'il y a un événement judiciaire qui vise de près ou de loin, on va dire, la Sarkozy, ben, c'est les juges rouges, c'est François Hollande qui est derrière, c'est les magistrats qui veulent se faire un président, c'est parce qu'il revient qu'on l'attaque, alors que c'est exactement l'inverse. Il est dans une stratégie purement berlusconienne. Après, la justice, c'est ce que je vous disais, vous savez, la vérité judiciaire, c'est pas toujours la vérité. L'affaire Ben Barka, pas de mise en examen. L'affaire des micros du canard, non lieu. L'affaire des Irlandais de Vincennes, annulée par la cour d'appel. Ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu. Merci en tout cas Fabrice Arfi pour votre connaissance du sujet, votre passion en parler. On imagine quand Kadhafi est arrivé, le casse-tête que ça a dû être au Quai d'Orsay. J'en profite pour vous dire que ce soir sur France 3, il y a un très très bon documentaire sur les coulisses du Quai d'Orsay de Serge Boati, absolument formidable. Oui. J'ai vu en avant-première, vraiment ça vaut le coup, faut pas le louper. Merci Fabrice Arfi, au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la visite de Kadhafi à Paris, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, ce sera autour du peintre Yves Klein, champion du monochrome bleu. Vous écoutez France Inter, il est 16h.